Chapitre 32e. Le roi s'ennuie. Le roi, qui était parti pour Marly, selon qu'il l'avait annoncé, donna l'ordre, vers 3 heures de l'après-midi, qu'on le conduisit à Lucienne. Il devait supposer que Madame du Barry, reçue de son petit billet, s'empresserait de quitter à son tour Versailles pour aller l'attendre dans la charmante habitation qu'elle venait de se faire bâtir, et que le roi avait déjà visitée 2 ou 3 fois, sans y avoir cependant jamais passé la nuit, sous prétexte, comme il l'avait dit, que Lucienne n'était point un château royal. Aussi fut-il fort surpris, en arrivant, de trouver Zamore, très peu fier et très peu gouverneur, s'amusant à arracher les plumes de la perruche qui essayait de le mordre. Les deux favoris étaient en rivalité, comme M. de Choiseul et Mme du Barry. Le roi s'installa dans le petit salon et renvoya sa suite. Il n'avait pas l'habitude de questionner les gens ni les balais, bien qu'il fût le plus curieux gentilhomme de son royaume. Mais Amour n'était pas même un balai, c'était quelque chose qui prenait son rang entre le sapajou et la perruche. Le roi questionna donc Zamor. « Madame la comtesse était au jardin ?»« Non, maître, » dit Zamor. Ce mot remplaçait le titre de majesté dont Madame du Barry, par un de ses caprices, avait dépouillé le roi à Lucienne. « Elle est au Carpe, alors ?» On avait creusé à grands frais un lac sur la montagne, on l'avait alimenté par les eaux de l'aqueduc, et l'on y avait transporté les plus belles carpes de Versailles. « Non, maître, » répondit encore Zamor. « Où est-elle donc ?»« À Paris, maître. »« Comment à Paris ?»« La comtesse n'est pas venue à Lucienne. »« Non, maître, mais elle y a envoyé Zamor. »« Pourquoi faire ?»« Pour y attendre le roi. »« Hein ?» fit Louis XV. « On te commet le soin de me recevoir ?» « C'est charmant, la société de Zamor. Merci, comtesse, merci. » Et le roi se leva un peu dépité. « Oh non !» dit le négrillon. « Le roi n'aura pas la société de Zamor. Et pourquoi ?»« Parce que Zamor s'en va. Et où vas-tu ? À Paris. »« Alors je vais rester seul. De mieux en mieux. Mais que vas-tu faire à Paris ?»« Rejoindre maîtresse Barry et lui dire que le roi est à Lucienne. »« Ah ! La comtesse a chargé de me dire cela. »« Oui, maître. » Et elle n'a pas dit ce que je ferai en attendant. Elle a dit que tu dormirais. Au fait, pensa le roi, c'est qu'elle ne va pas tarder, et qu'elle a quelque nouvelle surprise à me faire. Puis, tout haut, pars donc vite et ramène la comtesse. Mais à propos, comment t'en vas-tu? Sur le grand cheval blanc, avec la housse rouge. Et combien de temps faut-il au grand cheval blanc pour aller à Paris? Je ne sais pas, dit le nègre, mais il va vite, vite, vite. « Zamor aime aller vite. »« Allons, c'est encore bien heureux que Zamor aime aller vite. » Et il se mit à la fenêtre pour voir partir Zamor. Un grand valet de pied le hissa sur le cheval et avec cette heureuse ignorance du danger qui appartient particulièrement à l'enfance, le négrillon partit au galop, accroupi sur sa gigantesque monture. Le roi, demeuré seul, demanda au valet de pied s'il y avait quelque chose de nouveau à voir à Lucienne. « Il y a, » répondit le serviteur, « Monsieur Boucher, qui peint le grand cabinet de Madame la Comtesse. »« Ah, Boucher, ce pauvre bon Boucher, il est ici, » dit le roi avec une espèce de satisfaction. « Et où cela, dites-vous ? » ?»« Au pavillon, dans le cabinet. »« Sa Majesté désire-t-elle que je la conduise près de Monsieur Boucher ?»« Non, » fit le roi, « non. Décidément, j'aime mieux aller voir les carpes. Donne-moi un couteau. »« Un couteau, sire. »« Oui, et un gros pain. » Le valet revint, portant sur un plat de faïence du Japon un gros pain rond dans lequel était fiché un couteau long et tranchant. Le roi fit signe au valet de l'accompagner et se dirigea satisfait vers l'étang. C'était une tradition de famille que de donner à manger aux carpes. Le grand roi n'y manquait pas un seul jour. Louis XV s'assit sur un banc de mousse d'où la vue était charmante. Elle embrassait le petit lac d'abord, avec ses rives gazonnées. Au-delà, le village planté entre les deux collines, dont l'une, celle de l'ouest, s'élève à pic, comme la roche moussue de Virgile, de sorte que les maisons couvertes de chaumes qu'elles supportent semblent des jouets d'enfants emballés dans une boîte pleine de fougères. Plus loin, les pignons de Saint-Germain, ses escaliers gigantesques et les touffes infinies de sa terrasse. Plus loin encore, les coteaux bleus de Sannois et de Cormeilles. Enfin, un ciel teinté de rose et de gris, enfermant tout cela, comme eût fait une magnifique coupole de cuivre. Le temps était orageux. Le feuillage tranchait en noir sur les prés d'un vert tendre. L'eau, immobile et unie comme une vaste surface d'huile, se trouvait parfois tout à coup quand de ses profondeurs glauques quelques poissons, parés à un éclat d'argent, s'élançaient pour saisir la mouche des étangs traînant ses longues pattes sur l'eau. Alors, de grands cercles tremblotants s'élargissaient à la surface du lac et moiraient toute la nappe de cercles blancs mêlés de cercles noirs. On voyait aussi sur les bords s'élever les museaux énormes des poissons silencieux qui, sûrs de n'avoir jamais à rencontrer ni l'hameçon ni la maille, venaient sucer les trèfles pendants et regarder de leurs gros yeux fixes, qui ne semblent pas voir, les petits lézards gris et les grenouilles vertes s'ébattant parmi les joncs. Quand le roi, un homme qui sait comment on perd son temps, eut regardé le paysage par tous les coins, compté les maisons du village et les villages de la perspective, il prit le pain dans l'assiette déposée à côté de lui et se mit à le couper par grosses bouchées. Les carpes entendirent crier le fer sur la croûte et, familiarisées avec ce bruit qui leur annonçait le dîner, elles vinrent d'aussi près qu'il était possible de se montrer à sa majesté pour qu'il leur plût de leur octroyer le repas quotidien. Elles en faisaient autant pour le premier balai de pied, mais le roi crut naturellement qu'elles se mettaient en frais pour lui. Il jeta les uns après les autres les morceaux de pain qui, plongeant d'abord, puis revenant ensuite à la surface du lac, étaient disputés quelque temps, puis tout à coup s'émiettant, dissous par l'eau, disparaissaient en un instant. C'était en effet un assez curieux et assez amusant spectacle que celui de toutes ces croûtes poussées par des museaux invisibles et s'agitant sur l'eau jusqu'au moment où elles s'engloutissaient pour toujours. Au bout d'une demi-heure, Sa Majesté, qui avait eu la patience de couper 100 morceaux de pain à peu près, avait la satisfaction de n'en plus voir surnager un seul. Mais aussi, alors le roi s'ennuya et se rappela que M. Boucher pouvait lui offrir une distraction secondaire. Cette distraction était moins piquante que celle des carpes, c'est vrai, mais la campagne, on prend ce que l'on trouve. Louis XV se dirigea donc vers le pavillon. Boucher était déjà prévenu. Tout en peignant, ou plutôt tout en faisant semblant de peindre, il suivait le roi des yeux. Il le vit s'acheminer vers le pavillon et, tout joyeux, rajusta son jabot, tira ses manchettes et monta sur son échelle, car on lui avait bien recommandé d'avoir l'air d'ignorer que le roi fût à Lucienne. Il entendit le parquet crier sous les pas du maître et se mit à blaireauter un amour joufflu, dérobant une rose à une jeune bergère vêtue d'un corset de satin bleu et coiffée d'un chapeau de paille. La main lui tremblait, le cœur lui battait. Louis XV s'arrêta sur le seuil. « Ah, monsieur Boucher, lui dit-il, comme vous sentez la térébenthine ? » Et il passa outre. Le pauvre Boucher, si peu artiste que fut le roi, s'attendait à un autre compliment et faillit tomber de son échelle. Il descendit et s'en alla, les larmes aux yeux, sans gratter sa palette et sans laver ses pinceaux, ce qu'il ne manquait pas cependant de faire chaque soir. Sa Majesté tira sa montre. Il était 7 heures. Louis XV rentra au château, lutina le singe, fit parler la perruche et tira des étagères les unes après les autres toutes les chinoiseries qu'elles contenaient. La nuit vint. Sa Majesté n'aimait pas les appartements obscurs. On alluma, mais elle n'aimait pas davantage la solitude. « Mes chevaux dans un quart d'heure, » dit le roi. « Ma foi, » ajouta-t-il, « je lui donne encore un quart d'heure, pas une minute de plus. » Et Louis XV se coucha sur le sofa en face de la cheminée, se donnant pour tâche d'attendre que les 15 minutes, c'est-à-dire 900 secondes, fussent écoulées. Au 400e battement du balancier de la pendule, laquelle représentait un éléphant bleu monté par une sultane rose, Sa Majesté dormait. Comme on le pense, le laquais qui venait pour annoncer que la voiture était prête, le voyant dormir, se garda bien de l'éveiller. Il résulta de cette attention pour l'auguste sommeil, qu'en s'éveillant tout seul, le roi vit devant lui Madame du Barry fort peu endormie, à ce qu'il paraissait du moins, et qui le regardait avec de grands yeux. Zamore, à l'angle de la porte, attendait le premier ordre. « Ah, vous voilà, comtesse, » dit le roi en restant assis, mais en reprenant la position verticale. « Mais oui, sire, me voilà, et depuis fort longtemps même, » dit la comtesse. « Oh, c'est-à-dire depuis longtemps. Dame, depuis 1 heure au moins. Oh, comme votre majesté dort. Ma foi, écoutez donc, comtesse, vous n'étiez point là, et je m'ennuyais fort. Puis, je dors si mal la nuit. Savez-vous que j'allais partir ?»« Oui, j'ai vu les chevaux de votre majesté attelés. » Le roi regarda la pendule. « Oh, mais 10 heures et demie, » dit-il, « j'ai dormi près de 3 heures. »« Tout autant, sire. dites qu'on ne dort pas bien, Lucienne ? Ma foi, si. Mais que diable vois-je là ? S'écria le roi en apercevant Zamor. Vous voyez le gouverneur de Lucienne, sire ? Pas encore, pas encore, dit le roi en riant. Comment ? Ce drôle-là porte l'uniforme avant d'être nommé ? Il compte donc bien sur ma parole. Sire, votre parole est sacrée, et nous avons tous le droit de compter dessus. Mais Zamor a plus que votre parole, ou plutôt moins que votre parole, sire. Il a son brevet. Comment ? Le vice-chancelier me l'a envoyé. Le voici. Maintenant, le serment est la seule formalité qui manque à son installation. Faites-le jurer vite et qu'il nous garde. Approchez, monsieur le gouverneur, dit le roi. Zamor s'approcha. Il était vêtu d'un habit d'uniforme à collet brodé, portait les épaulettes de capitaine, la culotte courte, les bas de soie et l'épée en broche. Il marchait raide et compassé, un énorme chapeau à trois cornes sous le bras. « Saura-t-il jurer seulement ? » dit le roi. « Oh que oui, essayez, sire. »« Avancez à l'ordre, » dit le roi, regardant curieusement cette noire poupée. « À genoux, » dit la comtesse. « Prêtez serment, » ajouta Louis XV. L'enfant posa une main sur son cœur, l'autre dans les mains du roi, et dit « Je jure foi et hommage à mon maître et à ma maîtresse. Je jure de défendre jusqu'à la mort le château dont on me confie la garde et d'en manger jusqu'au dernier pot de confiture avant de me rendre si l'on m'attaquait. » Le roi se mit à rire, tant de la formule du serment que du sérieux avec lequel Zamor le prononçait. « En retour de ce serment, répliqua-t-il, en reprenant la gravité convenable, je vous confère, monsieur le gouverneur, le droit souverain, droit de haute et basse justice, sur tous ceux qui habitent l'air, la terre, le feu et l'eau de ce palais. « Merci, maître, » dit Zamor en se relevant. « Et maintenant, » dit le roi, « va promener ton bel habit aux cuisines et laisse-nous tranquilles, bas. » Zamor sortit. Comme Zamor sortait par une porte, Chon entrait par l'autre. « Ah, vous voilà, petit Chon. Bonjour, Chon. » Le roi l'attira sur ses genoux et l'embrassa. « Voyons, ma petite Chon, » continua-t-il, « tu vas me dire la vérité, toi. »« Ah, prenez garde, sire, » dit Chon, « vous tombez mal. »« La vérité ? Je crois que ce sera la première fois de ma vie. »« Si vous voulez savoir la vérité, adressez-vous à Jeanne. Elle ne sait pas mentir, elle. »« Est-ce vrai, comtesse ?»« Sire, Chon a trop bonne opinion de moi. L'exemple m'a perdu. Et depuis ce soir surtout, je suis décidé à mentir comme une vraie comtesse, si la vérité n'est pas bonne à dire. »« Ah ! » dit le roi. « Il paraît que Chon a quelque chose à me cacher. Ma foi, non. Quelques petits ducs, quelques petits marquis, quelques petits vicomtes que l'on sera allé voir. « Je ne crois pas, » répliqua la comtesse. « Qu'en dit Chon ? Nous ne croyons pas, sire. Il faudra que je me fasse faire là-dessus un rapport de la police. De celle de monsieur de Sartine ou de la mienne ? De celle de monsieur de Sartine. Combien le payerez-vous ? S'il me dit des choses curieuses, je ne marchanderai pas. « Alors donnez la préférence à ma police et prenez mon rapport. Je vous servirai royalement. »« Vous vous vendrez vous-même. Pourquoi pas si la somme vaut le secret ?»« Eh bien, soit. Voyons le rapport. Mais surtout, pas de mensonge. »« La France, vous m'insultez. »« Je veux dire, pas de détour. »« Eh bien, sire, apprêtez les fonds, voici le rapport. »« J'y suis, » dit le roi en faisant sonner quelques pièces d'or au fond de sa poche. « D'abord, » fit la comtesse, « Madame du Barry a été vue à Paris vers 2 heures de l'après-midi. »« Après, je sais cela. »« Rue de Valois, je ne dis pas non. »« Vers 6 heures, Zamor est venu les rejoindre. »« C'est encore possible. »« Mais qu'allait faire Madame du Barry, rue de Valois ?»« Elle allait chez elle. »« Je comprends bien. »« Mais pourquoi allait-elle chez elle ?»« Pour attendre sa marraine. »« Sa marraine. » dit le roi avec une grimace qu'il ne put dissimuler tout à fait. « Elle va donc se faire baptiser ?»« Oui, sire. » Sur les grands fonds de Versailles. Ma foi, elle a tort, le paganisme lui allait si bien. Que voulez-vous, sire ? Vous savez le proverbe, on veut avoir ce qu'on n'a pas. De sorte que nous voulons avoir une marraine, et nous l'avons, sire. Le roi tressaillit et haussa les épaules. J'aime beaucoup ce mouvement, sire. Il me prouve que votre majesté serait désespérée de voir la défaite des Gramont, des Guéménées, et de toutes les bégueules de la cour. Plaît-il ? Sans doute. « Vous vous liguez avec tous ces gens-là ?»« Je me ligue ?»« Comtesse, apprenez une chose, c'est que le roi ne se ligue qu'avec des rois. »« C'est vrai, mais tous vos rois sont les amis de monsieur de Choiseul. »« Revenons à votre marraine, comtesse. »« J'aime mieux cela, sire. »« Vous êtes donc parvenue à en fabriquer une ?»« Je l'ai bien trouvée, toute faite et de bonne façon encore. Une comtesse de Béarn, famille de princes qui ont régné, rien que cela. Celle-là ne déshonorera pas l'allié des alliés des Stuarts, j'espère. La comtesse de Béarn ? Fit le roi avec surprise. Je ne connais qu'une, qui doit habiter du côté de Verdun. C'est celle-là même. Elle a fait le voyage tout exprès. Elle vous donnera la main ? Les deux mains. Et quand cela ? Demain, à 11 heures du matin, elle aura l'honneur d'être reçue en audience secrète par moi. Et en même temps, si la question n'est pas bien indiscrète, elle demandera au roi de fixer son jour et vous le lui fixerez le plus rapproché possible. N'est-ce pas, monsieur la France ? Le roi se prit à rire, mais sans franchise. « Sans doute, sans doute, » dit-il en baisant la main de la comtesse. Mais tout à coup, « Demain, 11 heures ? » s'écria-t-il. « Sans doute, à l'heure du déjeuner. » « Impossible, cher ami. »« Comment impossible ? Je ne déjeune pas ici, je m'en retourne ce soir. »« Qu'est-ce encore ? » dit Madame du Barry, qui sentait le froid lui monter jusqu'au cœur. « Vous partez, sire ? » ?»« Il le faut bien, chère comtesse. J'ai donné rendez-vous à Sartines pour un travail très pressé. » « Comme vous voudrez, sire, mais vous souperez au moins, je l'espère. »« Oui, je souperai peut-être. »« Oui, j'ai assez faim, je souperai. »« Fais servir, Chon, » dit la comtesse à sa sœur, en lui adressant un signe particulier, qui avait sans doute rapport à une convention arrêtée d'avance. Chon sortit. Le roi avait vu le signe dans une glace, et quoiqu'il n'eût pas pu le comprendre, il devina un piège. « Eh bien, non, non, » dit-il, « impossible même de souper. » Il faut que je parte à l'instant même. J'ai les signatures. C'est aujourd'hui samedi. Allons, soit. Je vais faire avancer les chevaux alors. Oui, chère belle. Chon ? Chon reparut. Les chevaux du roi, dit la comtesse. Bien, dit Chon avec un sourire. Il sortit de nouveau. Un instant après, on entendit sa voix qui criait dans l'antichambre. Les chevaux du roi !